savais pas encore où j'allais. Depuis chez tu es, j'ai l'impression d'être soulagé. Oui, tu es mon frère, le cœur nous lie même plus que les chaînes. Ousmane, tu es mon refrain. Ousmane, tu es mon refrain. Malgré que tu souffres tous les jours, tu affrontes la vie, tu es souriant. Mon frère, les gens sont mauvais. Mon frère, pourquoi toi tu es aussi bon? J'ai pas choisi ma vie, mais je sais où je vais. On ne choisit pas sa famille, mais je t'ai bien trouvé. Malgré mes conneries, je me suis construit. Mais sans toi, mon plan reste inachevé. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Je reviendrai. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Tu es mon grand frère. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Mon amitié. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Inachevé. Sans toi, mon plan reste inachevé. Bella ciao.